c'est la série live. Deux morceaux en concert dans British Connection. Extrait de la cassette sous les feux des projecteurs, Fraggle Product. Les éjectés Rocksteady Beat, les shérifs Bongo Kid. Pendant qu'on y pense comme un putain de sang. listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. C'est d'emballe. British Connection, British Connection, British Connection. Vous étiez sur le trafic des couches-culottes usagées. Une sale affaire, j'étais dans la merde jusqu'au cou. C'est la dernière demi-heure de British Connection. Momo Frag fait sa British Connection. Oui, Fraggle Product. Fraggle Product, qu'on et peut ouais. retrouver sur Facebook. Facebook, si vous voulez ouais. commander des cassettes. Oui, c'est encore possible. C'est possible. c'est possible. Alors, deux morceaux live. Bon, alors, ouais, les deux morceaux live qu'on s'est écoutés juste avant, donc les morceaux des Shérifs et des Éjectés, c'était extrait de la compilation Sous le feu des projecteurs, la cinquième compilation. C'est la compilation qui s'est vraiment le plus vendue parce qu'il y avait tellement de groupes super connus. Ah ouais, c'est vrai, il y avait les Shérifs. Compil live. Ouais. Bah, j'avais Los Mescaleros, Fleetox, Pegrou, Lady Cass, Washington Dead Cats, Verdun, Légitime Défonse, Ludwig 24. Ah ouais, les neurones en folie, les éjectés, les gnomes, les strikers, les PPI, les cafards. Enfin, voilà. Et t'avais eu l'accord de chaque groupe en ouais, plus. Ouais, hein. bien sûr, ah bien sûr, ouais. bien sûr. Ouais, bien sûr. Là, j'avais demandé et tout. C'était assez énorme. Quand même. Enfin, voilà quoi. Et donc voilà, c'était une très bonne cassette à l'époque. Et puis j'avais les jaquettes en couleur. Quoi. Ouais, ouais, l'arrivée ouais. de la couleur sur les jaquettes. c'était la grande classe. Allez, ordures ménagères. Et juste après, on s'est écouté les Gonocox. Ah exact, exact. Les Gonocox, qui est un groupe de Rouen. Ouais. Un très bon groupe de Rouen qui était sur la compilation Battle Was Innocent, donc qui était sorti en 89, voilà, pareil, plein de bons groupes. Et bah, les Gonokos, tu sais, eh oui, voilà, ils étaient à la 200e de British Connection. Exactement. En 88 ou 89 ouais, je dirais, 89, ouais, 89. On avait invité plein de groupes pour fêter la 200e. Il y avait les Rats, Dealer, paix au chanteur, paix à son âme au chanteur, les Chats d'égout, Gonokos et Ordures ménagères. En tête d'affiche, Ordures ménagères. Bah ouais, Ordures ménagères. Bah, Ordures ménagères, en fait, c'était, en fait, j'ai créé ce label, en fait, pour faire connaître mon groupe, et ah, bon, ouais, je jouais dans Ordures ménagères, la batterie, et en fait voilà, tout vient de là, en fait. Et donc du coup, en 89, j'ai sorti une cassette, une démo de Ordures ménagères, 4 titres. On peut la retrouver, celle-là, encore, on peut la commander. Ouais, elle se trouve aussi. Bon, c'est une cassette qui est pas décomptée dans mes numérotages de compil et tout ça, quoi. Ouais. C'est vraiment une sortie spéciale. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'est pour la postérité. Le morceau qu'on va s'écouter, c'est Trash Train. British Connection, l'émission rock qui vous fait découvrir les groupes que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'était Ordures ménagères avec Trash Train. Et donc on poursuit donc avec cette petite ce petit récapitulatif de tout ce qui est sorti chez Fraggle Product. On a sorti en 89 aussi une démo d'un groupe de Limoges qui s'appelle Lady Cat. C'est un groupe de rockabilly, groupe très sympa, et donc on a sorti une petite démo 9 titres. Voilà, donc le morceau que l'on s'écoute Lady Cat, c'est Hillbilly Train. Gracious, gracious, you are a good woman, Miss Cooper. How are you figuring to raise them two without a woman? Oh, the Lord will provide. The Lord is merciful. Oh, what a day this is. And there's little John. What's wrong, John? Come to me, boy. What's wrong, John? Didn't you hear me, boy? John, when your dad says come, you should mind him. He ain't my dad. Yeah. puis ensuite, il y a eu I Want You for Fraggle. Ouais. Hein, c'est 1990, ça, I Want You for Fraggle. Ouais. Voilà, c'est un tournant dans Fraggle, en fait. C'est le changement, c'est le passage à des trucs américains. Ouais. Donc, c'est une compile avec que des groupes américains. J'avais contacté plein de groupes qui étaient passés dans Maximum Rock'n'Roll, le fanzine de l'époque, le magazine américain. Et donc, j'avais contacté tous ces groupes. Donc, en 90, j'ai sorti donc, I Want You for Fraggle. Et j'ai poursuivi en 92, c'est un an d'espace. Voilà, ça sent la fin. Mmh. Avec la compile Sweet American Dream, toujours pareil, des groupes américains à gogo. Donc la première compile américaine, donc on va commencer avec un morceau d'un groupe de hardcore new-yorkais qui s'appelle Go, un excellent groupe qui a sorti vraiment des trucs super avec le morceau. T'avais un t-shirt orange, il me semble. Ouais, mais Go, c'est un de mes groupes préférés. Franchement, j'ai fait une belle découverte. D'ailleurs, ils ont repris, comme Fraggle, ils ont repris là récemment et ils font une tournée en Allemagne, Pologne, tout ça. Et puis tu enchaîneras un petit. Et on enchaînera avec un autre groupe qui s'appelle, donc sur la compilation suivante, la 9e compilation, les Corrupted Peasant Farmers, avec le morceau Close Your Eyes, un groupe de San José en Californie. Connection, l'émission qui te fracasse la tête. Tendez l'oreille, c'est la promotion du jour et c'est moins cher que gratuit. Approchez, approchez! Je ne vous propose pas un titre, mais deux titres d'un groupe ou interprète. Approchez, approchez! C'est maintenant dans British Connection. Voilà, donc on est toujours avec Fraggle Product, hein, et nous avons sorti une cassette de Super Sports. Super Sports, donc le groupe parisien, pli de plein de trucs. Le dernier EP, 7 titres, l'ancien 4 titres, des démos, enfin plein de choses. On a rempli la cassette à ras-bord. Et donc cette cassette, elle est disponible donc chez Fraggle Product. Allez, on s'enchaîne un deuxième morceau des Super Ports avec le morceau Nada. We'll be right back. Et voilà, British Connection, votre émission rock, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Momo Frag. Ça a été trop vite. Alors, merci. Dis-moi, on peut retrouver toutes tes cassettes, les rééditions. Alors, les cassettes, et celles de Super Sport. Les cassettes, on peut les trouver donc, sur le Facebook de Fraggle Product. Voilà. Donc ça s'écrit comment? Fraggle. Fraggle. Voilà. F-R-A-G-L-E et Product, P-R-E-U-D-U-C-E. Et il y a un petit bonhomme tout noir en logo, donc voilà, vous pouvez pas le manquer. On se dit au revoir. Bah merci, une prochaine fois. Ouais, voilà. Je vous ai prévu un petit shellac pour le regretter Steve Albini qui est décédé il y a quelques semaines. Et voilà, on finit avec ça quoi. Salut Momo. Ouais, salut. On se retrouve la semaine prochaine ici même pour une nouvelle session de British Connection. Je recevrai Tony Lourenço. Tout autre chose, il nous parlera d'Amy Winehouse. Il vient de sortir une BD sur la chanteuse. Allez, ne l'oubliez pas, British Connection, c'est votre émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Allez, salut.